intégration, assimilation, inclusion. Quel est le bon mot pour désigner le type de société dans laquelle nous voulons vivre? Le mot de handicap ne désigne-t-il pas précisément ce qui résiste à toute tentative de créer une société dans laquelle chacun trouve la place qui lui correspond? Comment alors parler des personnes handicapées sans immédiatement soit les stigmatiser, soit les essentialiser? La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, est avec nous en studio ce matin pour répondre à ces questions. Je pense qu'il faut effectivement des établissements spécialisés. Je pense que, sauf les gens qui sont légèrement handicapés, évidemment, qui peuvent rentrer dans la classe, mais madame connaîtra ça mieux que moi. Mais pour le reste, oui, je pense que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là, qui sont les pauvres complètement dépassés par les autres enfants. Donc je pense qu'il faut effectivement des enseignants spécialisés qui s'en occupent. Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous qui œuvrez et travaillez quotidiennement pour aller vers une société inclusive, on va définir ce que c'est dans un instant, comment recevez-vous les propos d'Éric Zemmour, qui donc c'était le 14 janvier dernier, il était en déplacement à Aulnecourt-sur-Escaut et lors d'une un rendez-vous à la mairie, et il discute avec des enseignants acquis à sa cause et il se dit favorable aux établissements spécialisés et parle de cette obsession contre l'inclusion. Beaucoup de colère, du dégoût aussi, parce que quand en 2021 on peut encore avoir ce genre de propos, de penser qu'une partie de notre humanité ne fait pas partie justement du courant classique, d'aller à l'école avec tous, et qu'on a encore une vision extrêmement excluante, parce que lui il a l'obsession de l'exclusion, ce monsieur. Je pense qu'on est très loin du compte quand on pense qu'il y a des personnes très différentes qui ne sont pas en capacité de pouvoir apprendre avec les autres, que ça fait du mal aux enfants dit valide, enfin c'est honteux, c'est vraiment honteux de porter un regard comme ça sur la gêne que peut procurer le handicap pour des personnes qui ne sont pas concernées. Je pense que c'est tout l'inverse de la société que je porte, que l'on porte depuis de nombreuses années, de très nombreuses années, la loi de 2005. Qu'est-ce que c'est la loi de 2005? C'est la grande loi qui a été faite sous Jacques Chirac, de l'égalité des chances, de la pleine participation, de la citoyenneté des personnes, et est inscrit dans cette loi l'obligation de scolarisation des enfants handicapés à l'école du quartier. Parce que c'est comme ça qu'on redevient citoyen de sa commune. Que son enfant, en fratrie, prenne la porte de l'école. La même porte avec les réponses qui sont adaptées. Mmh. C'est ça la société inclusive. On s'adapte aux besoins de la personne handicapée pour lui faire toute sa place. Mais qu'on puisse encore penser comme ça en 2021, c'est terrorisant. Mais n'est-ce pas l'ambivalence qui est liée au mot de handicap, qui aujourd'hui fonctionne plus comme une étiquette que l'on accole sur certaines personnes en disant handicapé, ça voudrait dire inadapté à notre société. Mais non, justement. Toute la loi de 2005, elle porte justement le fait que l'environnement doit s'adapter. Comment on met les plans inclinés du savoir, comme dit Charles Gardou, pour que enfin la pédagogie adaptée soit comprise par tous? Qui est Charles Gardou? Charles Gardou est un anthropologue qui travaille justement à l'université Lyon-Lumière, qui porte depuis très longtemps cette société inclusive. C'est lui-même qui dit « il n'y a pas de vie minuscule ». Donc chaque être a sa singularité, sa différence, et nous devons l'accepter tel qu'il est, et faire en sorte que les obstacles diminuent. Les plans inclinés, certes pour les personnes à mobilité réduite, les plans inclinés du savoir pour mettre cette pédagogie justement à la connaissance et à la compréhension de tout un chacun. C'est ça la société inclusive, c'est l'environnement qui s'adapte. Mais on ne demande pas à chacun d'être handicapé. On demande à chacun d'adapter justement sa pédagogie, sa façon d'être, sa communication pour qu'on rentre en résonance et en relation. C'est ça qui fait la richesse de notre société, la singularité de tous. Et la société inclusive, c'est s'enrichir de ces différences, parce que ça fait progresser quand on s'adapte soi-même. Ça fait progresser pour le bien commun de tous. Et je dis toujours que le handicap est le fer de lance de la transformation sociétale, de notre vision dans la conception universelle, qu'elle soit architecturale, pédagogique, relationnelle, pour faire sa place à toute la différence et s'enrichir des forces de chacun dans leur singularité. Comment définissez-vous le handicap dans ce cas? C'est une situation de handicap d'abord, c'est-à-dire que du coup, si la personne par exemple est sourde, si on met la bonne communication, elle n'a plus de handicap. Si la personne a une déficience intellectuelle, un trouble psychique, si on sait comment lui parler, si on recrée les interactions, elle va pouvoir être justement dans sa compétence, dans l'expression de ses besoins. Même une personne polyhandicapée qui n'a aucune communication classique, comme vous et moi le faisons aujourd'hui, peut, grâce à la communication alternative augmentée, c'est-à-dire par exemple une interaction qui lui permet, puisqu'elle a encore l'œil par exemple, qui peut dicter certaines choses, lui permet de rentrer en communication. Il nous faut faire, avec l'intelligence collective, pouvoir trouver le mode de communication avec tout un chacun. Ça ne veut pas dire qu'on fera les mêmes choses au même moment. L'école inclusive, c'est pas du tout ça. L'école inclusive, c'est d'abord qu'on fasse partie d'un collectif. On rentre en fratrie, quels que soient ses besoins éducatifs particuliers, qu'on soit justement surdoué, sous-doué, tout ce que vous voulez, on rentre ensemble par la même porte et il y a une gradation de réponses. Et c'est ça qu'on est en train de construire. Mais il y a cette unité de lieu. Pourquoi ? Parce que les parents peuvent retravailler, parce que les parents enfin posent leur valise du parent d'enfant handicapé, il est parent d'élève. Et les réponses sont très appropriées. Donc on déplace le centre de gravité justement de ces écoles spécialisées qui existent depuis longtemps dans les murs de l'école. Ça ne se construit pas en un claquement de doigts, c'est long comme chemin, mais c'est comme ça qu'on va travailler. Mais est-ce que cette attention à la singularité de chaque élève, puisque vous parlez de l'école inclusive, ne tient pas, y compris pour des personnes qui ne sont pas en situation de handicap ? En clair, est-ce applicable, praticable, que de... Un, définir le handicap comme étant une certaine situation qui se qualifie par son nid d'adaptation à la société. Et deux, de faire en sorte que cette société ou cet État vienne en aide aux personnes qui elles-mêmes vivent ce décalage au cas par cas, c'est-à-dire finalement de manière exponentielle. On ne peut pas répondre aux besoins de chacun. Mais c'est ce qu'on devrait faire. On devrait pouvoir être en capacité de répondre aux besoins de chacun. Si on continue sur l'école, une fois que vous avez mis une adaptation, l'ensemble du corps de la classe va pouvoir s'en emparer. Mm-hmm. Donc c'est toujours au bénéfice de tous. Bah, pas sûr. L'attention portée à chacun n'est pas forcément au bénéfice de tous. D'ailleurs, c'est le problème de la politique. Comment faire cas de chaque individu dans une société, dans une collectivité ? C'est pour ça que ça fait progresser l'ensemble des réponses. Quand vous avez un apprentissage d'une pédagogie très adaptée, vous avez quand même le même objectif. C'est de porter chacun au meilleur. Donc il est là, ce collectif qui joue aussi un rôle d'émulation, qui joue aussi ce rôle de pouvoir après être en interaction avec autrui. Si vous parquez, comme il le dit ce monsieur Zemmour, les enfants handicapés dans des établissements spécialisés, alors que ce soit un faible handicap, un léger handicap, c'est n'importe quoi. Eh bien, oui, il dit jamais les enfants légèrement handicapés, ils pourraient aller à l'école avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette école inclusive, c'est déjà une réalité. Quand je vais en Dordogne, au fin fond de la Dordogne, où tous les enfants dits handicapés, mentaux, déficience intellectuelle, sont scolarisés dans l'école, mais ils sont scolarisés avec leurs professeurs spécialisés, avec l'ergothérapeute, avec le psychomotricien. Donc, tous les professionnels sont là au service de ce parcours. Et c'est bien ça que l'on veut. Et quand on parle aussi après des adultes, c'est comment on se loge ensemble, comment maintenant on développe une possibilité de se loger au milieu des autres, toujours bien accompagné. Il ne s'agit pas de nier les besoins d'accompagnement, d'adaptation, mais il s'agit de faire sa place. Il s'agit de faire sortir cet regard très protecteur qui a isolé les personnes handicapées pendant de nombreuses et nombreuses années post-guerre. Donc ça remonte à loin, notre vision très protectrice, en se disant l'environnement est trop anxiogène, trop difficile, ça va les mettre en souffrance eux-mêmes. Mais je pense que cette vision-là, elle est totalement obsolète. Alors les chiffres et les dates sont assez effrayants. C'est en 2018 que le droit de vote a été redonné aux personnes majeures handicapées sous tutelle. Ça, c'est ma grande victoire. C'est-à-dire que jusqu'à 2018, les personnes dites handicapées ne pouvaient pas voter. C'est-à-dire qu'elles ne pouvaient voter que si le juge estimait qu'elles étaient en capacité de... Mais de qui on se moque, là ? Au nom de quoi ? Pourquoi ? Au nom du fait que leur handicap les privait d'une certaine possibilité de raisonner. C'est comme ça qu'on a privé les femmes du droit de vote jusqu'en 1946, en disant qu'elles étaient influençables. À l'époque, c'était leur mari ou leur curé, rappelez-vous, leur confesseur. Eh bien, pour les personnes handicapées, toujours notre vision très protectrice. Et donc, la tutelle les protégeait. Mais vous imaginez qu'il fallait demander l'avis du juge de tutelle pour se soigner, se paxer et voter. C'est fini. Depuis 2018, le président de la République a dit « Stop à cette indignité, regardons nos concitoyens comme des citoyens à part entière ». Et non plus à part. Et donc ce droit de vote, 35 ans que les associations l'attendaient haut et fort, c'était contre-productif, cette vision de protection. Parce que du coup, moi j'avais des parents qui m'interpellaient en disant « Je ne mets pas ma fille qui vient d'être majeure sous tutelle parce que je ne veux pas la priver de son droit de vote. » Vous parlez des associations, dans quelle mesure est-ce que tout ce que vous décrivez relève de l'État ou relève des associations ? Certaines critiques ont été émises justement au nom des associations qui, selon elles, n'auraient plus de rôle à jouer à partir du moment où c'est l'État qui nationalise ces associations-là. Alors, qu'en fait, ça devrait être les associations qui... Alors, les associations ne sont pas nationalisées depuis les années 1950 par délégation de services publics. Nous finançons les associations. 12 milliards. À enfants, adultes, quel que soit le type de handicap, pour justement embaucher les personnes qui s'occupent des enfants et des adultes handicapés et qui gèrent les services d'accompagnement. Donc les associations gestionnaires ont toute leur place et elles sont partenaires. Elles sont partenaires de l'État et elles sont partenaires des départements aussi, puisqu'ils sont les chefs de file des politiques de solidarité des départements. C'est ça notre complexité. C'est qu'on s'adresse toujours à l'État quand ça ne va pas. Mais l'État, il peut beaucoup, mais pas seul. Notamment avec les départements, les présidents de départements, qui sont donc chefs de file de politique de solidarité et qui gèrent, par exemple, les établissements pour adultes en situation de handicap, les foyers. Donc, c'est assez complexe, c'est une politique très complexe qui a empilé, je dirais, des strates de responsabilités et de compétences depuis très, très longtemps, en favorisant d'abord les établissements, les murs, pour, je dirais, accueillir et puis s'occuper des personnes handicapées, post-années 50, 60, 70. Partout en Europe, il y a eu une désinstitutionnalisation du handicap, où là, par exemple, en 1977, la loi du tremblement de terre en Italie, où tous les enfants de la République italienne sont allés à l'école de la République, avec leurs professionnels. Nous, on a continué cette scolarisation à part. Sauf à partir de 2005, où on a affirmé haut et fort qu'ils étaient citoyens et inscrits à l'école de leur quartier. Et c'est tout le grand service public de l'école inclusive, et je dis bien de l'école inclusive, pour scolariser les enfants handicapés. Moi, je parle d'environnement inclusif, mais je parle de scolarisation dans une école inclusive. Je parle d'insertion professionnelle dans une entreprise inclusive. Oui, alors justement, un point sémantique, voire conceptuel, pourquoi parlez-vous de société inclusive et pas d'inclusion? Quelle différence entre l'inclusion et l'inclusivité? Mais vous n'êtes pas inclus, vous. Quand vous étiez petite, vous étiez scolarisée. Vous n'êtes pas inclus dans une entreprise, vous êtes embauché dans une entreprise. C'est l'environnement qui est inclusif et qui permet justement la meilleure des embauches en mettant les adaptations si nécessaire. C'est l'habitat inclusif qu'on est en train de développer. C'est ce choix que l'on offre maintenant parce que c'était très binaire pour les personnes adultes handicapées. Soit seules chez elles avec un service, mais très isolées, soit en foyer dit collectif. Là, on offre justement l'habitat inclusif à 5, 6, 7 colocataires avec un service d'accompagnement, mais c'est bien l'habitat qui devient inclusif. Et la personne, elle est logée, elle n'est pas incluse. Cette notion d'inclusion, elle est pour moi très figée. Vous savez, vous voyez les papillons qui sont entre deux verres. Ça, c'est une inclusion, elle est très figée. Non, eh bien moi, ce que je veux, c'est une participation des personnes dans un environnement inclusif, donc qui met ses adaptations, les plans inclinés physiques, les plans inclinés pédagogiques, les adaptations nécessaires et suffisantes pour tout simplement que la personne exprime sa meilleure des performances, parce que justement, on aura petit à petit abattu les différents obstacles. Donc, inclusivité, mais pas non plus assimilation, intégration, tout ce vocabulaire-là. Non, parce que l'assimilation, eh bien, c'était faire nier complètement sa différence. Une personne handicapée, elle peut pas être assimilée, elle la garde, ses différences, sa singularité. Et eh bien, c'est un petit peu comme, je dirais, les jardins à la française et les jardins à l'anglaise. C'est-à-dire, comment on s'enrichit dans un jardin à l'anglaise de choses qui peuvent paraître très différentes, très singulières, et pourtant qui forment un tout très enrichissant. Jardin à la française, chacun dans son petit carré, mais la communication est difficile. Alors la question qui se pose est celle de savoir, dans le cas d'une personne en situation de handicap, qui s'adapte à qui? Au fond, c'est de ça que nous parlons depuis le début de cette émission, Sophie Cluzel, savoir est-ce que c'est à l'État de s'adapter? Est-ce que c'est à la collectivité de s'adapter? Est-ce que c'est à la personne de s'adapter? S'adapter, c'est le titre du roman de Clara Dupont-Monod qui est paru l'automne dernier, qui a eu trois prix, le prix Fémina, le prix Landerneau, le prix Goncourt des lycéens, dont voici un extrait qui parlera à beaucoup de personnes puisqu'il s'agit de la description de ce qu'on appelle la maltraitance administrative. Les parents étaient seuls. Ils prirent l'habitude de se rendre en ville pour des marathons administratifs. Ces déplacements pouvaient durer une journée entière, dans les mairies, les services sociaux, les instances prétendument dédiées à l'aide des familles, les ministères. On leur enfonçait la tête sous l'eau, multipliant les difficultés. Le parcours était glacial, inhumain, jalonné d'acronymes. MDPH, ITEP, IME, CDAPH. Les interlocuteurs se montraient absurdement tatillons ou d'une odieuse nonchalance, cela dépendait. Les parents en parlaient le soir, à voix basse. Ils durent se plier à des règles folles. Ils entrèrent dans des pièces grises où les attendait un jury qui déciderait si, oui ou non, ils seraient éligibles à une allocation, un recours, une étiquette, une place. Ils durent prouver que depuis la naissance de l'enfant, la vie avait changé à leurs frais. Prouver aussi que leur enfant était différent. Certificats médicaux, bilans neuropsychométriques, classés dans une pochette plus précieuse que leur portefeuille. On leur demanda aussi de dessiner un projet de vie, alors que de celle d'avant, il restait si peu. Les parents en croisèrent d'autres, brisés, à court d'argent car les aides tardaient à tomber, ou ahuris parce qu'un département ne transmettait pas le dossier à un autre département et qu'en cas de déménagement, il fallait tout reprendre à zéro. Ils découvrirent l'obligation, tous les 3 ans, de prouver que l'enfant était toujours handicapé. Entendirent un couple craquer, car visiblement, leur enfant n'était pas assez inadapté pour bénéficier d'aide, mais trop pour espérer être inséré. Les parents découvrirent le grand no man's land des marges, peuplé d'êtres sans soins, ni projets, ni amis. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons du handicap cette semaine, philosophie du handicap aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, et nous venons d'entendre le texte de Clara Dupont-Monod, S'adapter, lu par Bernard Gabé, un extrait de ce texte sur la maltraitance administrative. Le terme est bien choisi, hein, je crois qu'on peut vraiment parler de maltraitance ici. Alors, cette situation, là aussi, paraît complètement folle. Il s'agit, pour une personne handicapée ou pour ses parents, de prouver tous les 3 ans que leur enfant est en situation de handicap pour obtenir des compensations financières. Ça, c'est fini. Voilà. C'est fini. Ça m'a longuement indignée depuis la naissance de ma fille qui a 25 ans, qui a une trisomie 21. Et je le dis souvent, je devais en être à son 11e dossier. Eh bien, c'est fini. C'est ce auquel je me suis attelée dès que je suis arrivée. Arrêtez de demander tous les 3 ans. Donc, c'est fini. Vous avez des droits à vie maintenant. Quand vous avez un handicap, justement, avéré, et dans le livre, dans le superbe livre de Clara Dupont-Monod, bien, justement, ce petit frère, il est totalement, je dirais, handicapé et il n'a pas la capacité de s'exprimer du tout. Donc, bien, pour tous ces êtres-là, mais pour aussi quelqu'un qui est aveugle, on lui a demandé d'aller toujours prouver qu'il était aveugle, trisomique, doublement amputé, avec une myopathie évolutive, c'est fini. Voilà, les droits sont à vie, il en allait vraiment de la dignité. Et pour autant, ils ne sont pas encore accordés dans tous les départements de France, parce que ce sont les départements qui sont à la manœuvre. Et je me bats et je me déplace partout, parce que c'est du gagnant-gagnant. Et donc, petit à petit, on y arrive, on est à peu près à 70% hein, des personnes qui devraient avoir leur droit à vie. Il nous reste encore une marge et je me battrai jusqu'au bout pour que ça soit vraiment appliqué partout. Comment êtes-vous devenue secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel ? Par l'histoire de ma vie. Je suis maman de 4 enfants. Ma dernière est née avec une trisomie 21. Et donc ça, c'était il y a 25 ans, parce que Julia a 25 ans. Et comme 95% des mères, je me suis arrêtée de travailler parce que je pensais que la stimulation, l'éducation précoce, hein, on pourra en reparler, mais est très importante, en tout cas pour les handicaps de naissance. Et que donc, voilà, je me suis mise à 500% à m'occuper de ma fille, en gardant aussi pour les autres, les frères et sœurs, les 3 précédents, qui Thomas, Camille et Pierre, autant d'attention. Parce que je pense que c'est très important et que les frères et sœurs peuvent pâtir beaucoup hein, de la naissance d'un enfant handicapé. Donc je me suis toujours attelée à essayer d'avoir la même dose d'amour et d'attention pour chacun, avec un mari très solide et qui a été formidable aussi. Et c'est petit à petit, je me suis remis à créer une première association, un collectif d'associations, une fédération. Et ma fédération, la FNASEP, pour ne pas la citer, était celle qui portait des auxiliaires de vie scolaire. À l'époque, on les appelait même les auxiliaires d'intégration scolaire. Et en 2003, nous avons transféré nos contrats à l'État. Donc c'est vraiment un dossier, la scolarisation, que je connais bien. Et puis, voilà, après, à chaque campagne électorale, eh bien, je faisais mon lobbying auprès des candidats. Et quand j'ai rencontré le candidat Macron, j'ai senti la même appétence de regarder la personne handicapée comme une personne avant tout. Donc une personne avec ses droits, ses devoirs, sa citoyenneté qu'il fallait remettre justement au milieu, je dirais, de nos préoccupations, l'émancipation, le pouvoir d'agir, leur donner cette force de pouvoir agir, cet empowerment, comme on dit, pouvoir d'agir des personnes handicapées. Et j'ai senti vraiment que ce modèle-là était vraiment celui que je portais, moi, depuis 25 ans, avec les associations qui m'entouraient. Et je salue vraiment tous les bénévoles d'associations, parce que c'est un vrai pilier aussi de soutien dans notre société. Et donc voilà, quand il a été élu, il m'a demandé de mettre en application ce pour lequel je me battais depuis 25 ans. Et j'ai posé 2 conditions. J'ai dit oui à une seule condition, c'est que je sois rattachée auprès du Premier ministre. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on change les politiques de droit commun et qu'on interpelle tous les ministres du gouvernement pour changer dans leur politique de droit commun la place des personnes handicapées, avec l'école, l'emploi, l'accès à la culture, au sport. Et donc, la preuve en est, c'est qu'on a fait 6 comités interministériels du handicap. Et la deuxième chose, je lui ai dit, il n'y aura pas de loi Cluzel handicap. Alors peut-être. Pourquoi pas? Parce que dans la loi de 2005, il y a tout. Ce que je veux, c'est l'appliquer. Simplifier les droits, ça sera tout simplement dans la simplification. Le droit de vote, c'était dans la loi, travaillé avec Nicole Belloubet, justement, modernisation de la justice. L'école de la confiance, avec Jean-Michel Blanquer. C'est comme ça que dans toutes les politiques de droit commun et les lois qui sont faites pour tout un chacun, on a une spécificité sur le handicap. C'est comme ça qu'on transforme vraiment la prise en compte du handicap dans toutes les politiques publiques de droit commun. Est-ce que le fait de devenir membre d'un gouvernement et donc d'entrer en politique a été une aide pour vous dans votre investissement au sein de ce milieu qui était avant associatif pour vous? Est-ce que vous êtes frustrée? Est-ce que vous avez pu changer des choses? Non, j'ai beaucoup travaillé avec les associations, avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées, parce que mon ADN, c'était de partir de l'expertise des personnes handicapées. On va deux fois plus vite, hein, quand on travaille avec les associations, les experts du handicap. Donc ça, je me suis vraiment attelée. Je pense que ça a bien fonctionné. Après, une frustration, bien sûr, parce que ça va pas assez vite. Et puis surtout qu'on a eu cette crise qui nous a freinés pendant 2 ans, puisque avec les agences régionales de santé, elles ont été très préoccupées par la crise. On n'a peut-être pas assez avancé, justement, sur les transformations, hein, des réponses aux personnes. Donc, ma frustration, elle vient de là. Mais je pense qu'au contraire, cette capacité de comprendre les choses, d'avoir travaillé pendant des années avec le milieu associatif, a permis, je pense, d'aller plus vite, hein, sur les réponses aux personnes. Alors pourquoi est-ce qu'on lit, je faisais référence à ces critiques-là, pourquoi est-ce qu'on lit, par exemple, jeudi prochain, je recevrai Joseph Chovanec, qui viendra parler de l'autisme notamment, et dans un article, il a publié le 17 avril 2020, donc c'était pendant la pandémie, il dit que les associations justement se sont menacées, il dit mais lorsque Sophie Cluzel a été nommée, tout le monde était heureux, et finalement nul se doutait que le fil conducteur de sa politique allait être celui de l'étranglement des associations. Comment peut-il y avoir un tel malentendu ? Je vois pas de quoi il parle, sincèrement, parce qu'au contraire, l'étranglement des associations, j'ai transformé le Conseil national consultatif pour donner la parole aux personnes et aux associations. Nous avons fait une grande stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Je l'ai nommé personnalité qualifiée, le cher Joseph Chovanec, au sein du Conseil national supérieur de l'autonomie, le CNSA. Et donc, au contraire, je suis partie de l'expertise des personnes et des associations. Vous lui poserez la question. Bah oui, tout à fait. Voilà. C'est évidemment prévu. Mais ça attire l'attention sur le fait qu'il puisse y avoir un conflit entre l'État et les associations. C'est pas qu'il y a un conflit. C'est que, il faut savoir qu'il y a des associations de famille et des associations gestionnaires d'établissements médico-sociaux. Donc les associations gestionnaires, qui sont souvent issues du militantisme des familles, deviennent aussi gestionnaires. Donc c'est tout simplement, parfois, elles sont en même temps juges et en même temps parties. Et c'est toute notre difficulté, c'est notre histoire française qui fait ça, hein, puisque par délégation de service public, les associations porte la politique handicap, la co-construit avec l'État et la met en œuvre dans les services d'accompagnement, dans les établissements. Ça, c'est toute notre ambiguïté. Donc, en même temps, elles ont envie qu'on désinstitutionnalise, qu'on fasse toute sa place, mais en même temps, il faut accompagner leurs professionnels au changement. Quand vous travaillez plus dans un établissement spécialisé, mais que vous suivez la personne à l'école ou que vous avez la personne en emploi, puisqu'on fait aussi de l'emploi accompagné, comme on a fait de l'école accompagnée. Quand vous travaillez dans un habitat inclusif à 4-5 personnes et non plus dans un grand foyer collectif, il y a tout un accompagnement à la transformation. Donc ça, c'est toute notre ambiguïté, ma difficulté aussi, mais la richesse de notre société, puisqu'on a des experts qui vont venir en appui pour travailler sur cette société inclusive. Et c'est tout l'enjeu de cette transformation aujourd'hui. En fait, mon Joseph ne rentrait plus dans les cases. Pour nous, c'était le néant. Et puis, un jour, mon mari a eu l'idée de l'envoyer en vacances. Il disait, mais il faut qu'il s'aère, il faut qu'il s'aère, quoi. Il a tapé à toutes les portes. Tout le monde a refusé. Et puis, un soir, il est rentré et il m'a dit, il y en a un qui a dit oui. Bruno Arange. Voilà, c'est ça. Mon mari lui a expliqué la situation catastrophique dans laquelle on était. Et allait savoir pourquoi, mais Bruno a dit oui. Joseph est parti 3 semaines dans la montagne. Il est rentré, mais transformé. C'est d'ailleurs comme ça que Bruno a créé son association. Madame Dubois, sachez que nous comprenons aisément toutes les difficultés auxquelles vous avez dû faire face, mais il faut que je vous précise la raison de notre présence ici. Nous sommes dans le cadre d'une inspection. Parce que cette association, La Voix des Justes, ne bénéficie toujours pas, à l'heure où l'on parle, d'une autorisation officielle ou d'un agrément. Vous comprenez que ça pose problème. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense souvent aux jeunes parents quand ils découvrent le diagnostic de leur enfant. Moi, personne ne m'a prévenu qu'il fallait réfléchir à long terme. Au début, on est dans le combat immédiat. Ils sont mignons quand ils sont petits. Hein? On les imagine pas adultes. Mais avec le temps, le regard des autres n'est plus tout à fait le même quand ils grandissent. Pour moi, je vais vous dire, le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui vous regardent plus, ceux qui vous écoutent plus, puis il y a les autres. Et croyez-moi, ils ne sont pas nombreux. Alors moi, vous savez, l'agrément... Le Parlement vient d'adopter la loi sur l'égalité des droits et des chances pour la participation et pour la citoyenneté des personnes handicapées. La société a pris conscience que le handicap concerne en fait chacun d'entre nous, qu'il soit présent dès la naissance, qu'il survienne à la suite d'une maladie, d'un accident, accident de l'existence ou accident du travail, le handicap fait partie de la vie. L'un des mérites de la loi qui vient d'être votée est d'avoir enfin défini le handicap. Mais surtout de l'avoir défini, non pas comme une déficience qui sépare et en quelque sorte qui exclut, mais comme des obstacles rencontrés dans la vie quotidienne et dans la participation à la vie sociale. D'un côté, le film Hors Normes, réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache, sorti en 2019, qui raconte le quotidien d'une association, La Voix des Justes, qui est, en tout cas dans l'extrait, dans le viseur de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, car elle ne bénéficie plus ni d'une autorisation officielle, ni d'un agrément. Et on a le point de vue, le témoignage d'une mère, justement, d'un enfant handicapé, qui raconte les difficultés au quotidien. De l'autre, la voix de Jacques Chirac, c'était donc son discours du 8 février 2005. Il était alors président de la République et il faisait voter la loi qui s'appelle l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. C'est l'écart entre les deux qui est intéressant, Sophie Cluzel, entre d'un côté le discours officiel, la loi qui permet d'améliorer le quotidien des personnes handicapées, et de l'autre, le ressenti, le quotidien des personnes qui ne peuvent pas forcément bénéficier de ces effets-là. Comment fait-on pour réduire cet écart au maximum ? Oui, et puis ce qu'a dit la maman de Bruno dans le film, qui est un film formidable parce que il se... De Joseph, la maman de Joseph. Oui, pardon, ouais, Bruno qui lui fait toute sa place, c'est ça. Elle dit le regard change quand ils sont petits, ils sont mignons, mais après... Ce regard qui soit enveloppe avec de la compassion, soit rejette, c'est bien tout notre enjeu de notre société. C'est comment on fait changer le regard sur l'handicap, comment on mobilise, comment on se sent tous concernés, tous mobilisés, comment on fait que ce regard, eh bien, c'est le droit un petit peu, comme dit très justement Alexandre Jolien, avec qui j'échange dans le livre que j'ai écrit, enfin, La force des différences, c'est comment on fait qu'on ait un anonymat du regard, soit qu'il ne soit pas plombant, ou alors, au contraire, très, très... Mais ça, c'est la vraie question. Comment éduque-t-on le regard ? Comment éduque-t-on le regard ? Eh bien, c'est justement grâce à des lois comme ça qui officialisent, si vous voulez, le fait que les personnes handicapées sont des personnes avant tout. Et après, c'est l'exécution. Vous avez raison. C'est l'écart qu'il peut y avoir entre le ressenti pour les personnes, parce que le chemin est encore long. Mmh. Mais pourquoi ? Parce que je pense que tant qu'on n'aura pas une mobilisation générale de se dire on a tous une responsabilité à regarder différemment la personne sur le banc de l'école, mon collègue de travail qui parfois qu'on trouve un peu bizarre, eh bien, par exemple sur des handicaps invisibles comme le handicap psychique ou l'autisme, mon collègue mon voisin, comment je fais aussi la place à mon voisin, comment je me mobilise pour dire eh bien, ce sont des êtres différents certes, mais qui ont leur place au milieu de nous et comment donc j'adapte peut-être mon regard et ma posture pour leur faire cette place. Donc le handicap est toujours une question politique, c'est toujours politique. C'est encore politique, mais au sens, je dirais, du citoyen. Le citoyen a aussi une capacité à faire bouger le politique. Mais le politique, c'est aussi la vie dans la cité, mon interaction avec l'autre citoyen. Donc c'est en effet un engagement politique fort. Et quand je dis politique... C'est ceux qui sont justement qui sont en mesure de changer les choses. C'est pas que l'État. Je vous ai dit encore, les départements, les collectivités locales. Comment, en tant que maire d'une petite commune, j'accueille dans le centre de loisirs l'enfant handicapé. Donc, vous voyez qu'à tous les échelons, il y a une responsabilité populationnelle de pouvoir agir pour changer la place des personnes handicapées. Mais la première des choses, c'est comment je change mon regard. Parce que c'est ça qui est insupportable pour les personnes handicapées, d'être regardées soit comme des bêtes curieuses, soit avec une indifférence très excluante et donc vous n'existez pas. Donc ça c'est cette singularité que l'on a encore du mal à accepter. C'est parce qu'aussi le handicap circule peu dans notre cité. Donc parce que pendant longtemps, justement, il a été par protection très exclu et encore une fois, parce que la personne est souvent très isolée et donc perd cette interaction. Donc on est en responsabilité collective pour faire changer ce regard. Rappelons les chiffres, en France, 12 millions de nos concitoyens vivent dans une situation de handicap, c'est ça, oui. Je parle sous votre contrôle. Hein. 80% des handicaps sont invisibles et 85% surviennent au cours de la vie. C'est oui. ça Ce sont les chiffres sont exacts. Et vous avez 8 millions d'aidants également, qui sont ces personnes qui accompagnent souvent une personne âgée ou une personne handicapée et qui sont donc concernées. Le Comité international olympique dit « we the 15th », nous les 15% de la population mondiale. Donc vous voyez, c'est 15% de la population mondiale. C'est comme ça que c'est déterminé. Alors c'est des situations très différentes. Hein. Vous avez du handicap sensoriel, ouais. vous avez du handicap mental, psychique, de l'autisme, le handicap moteur. Vous avez des handicaps évolutifs, vous avez des maladies chroniques invalidantes. Donc c'est très complexe. Comme les situations sont très différentes, très variées, très complexes. Et pour autant, ce sont des personnes avant tout. Bonjour ma grande, comment tu vas? Oh bah tu souffres encore? Ça marche pas? J'en ai marre, papa. Tu sais bien, j'ai plus ma place. Et ça fait un moment déjà que je veux me barrer. Tu veux te barrer? Et quel genre de structure? Parce que t'as besoin d'une structure. Un appart adapté. Alexandra fait partie des personnes qui sont arrivées au début. Donc il ne faut pas oublier que 15 ans d'institution, c'est énorme. Qu'il y a un rejet, je pense, de l'institution, qu'il y a un rejet de l'handicap. Ne vivre qu'avec des personnes handicapées, ça doit être très, très, très compliqué parce que l'autre vous renvoie à la différence. Donc il faut qu'on arrive à pouvoir trouver une solution qui ne sera peut-être pas la solution qu'elle souhaite, elle, dans une utopie, en fin de compte, c'est de vivre en appartement, mais peut-être trouver quelque chose qui soit plus réaliste et qui soit un progrès. Ça serait de partir dans un foyer, donc avec une autonomie plus importante, avec plus de possibilités de sortie. Si on pouvait arriver à lui permettre de lâcher prise et de se dire, voilà, j'ai progressé, je peux être fière de moi, je suis arrivée à quelque chose, maintenant, il faut que je passe à autre chose, il faut que j'aille ailleurs. Vous venez d'entendre un extrait du documentaire « Je marcherai jusqu'à la mer » réalisé par Stéphanie Pionka-Kerverne, sorti en 2013, qui permet d'aborder un point que nous n'avons pas abordé, Sophie Cluzel, qui est celui du rejet par les handicapés de l'institution elle-même. Et c'est-à-dire finalement un des problèmes est d'être entouré uniquement d'handicapés et de vivre dans une institution qui certes est adaptée au handicap, mais qui de ce fait l'exclut en même temps du reste de la société. Ben oui, c'est un peu ce auquel nous travaillons. C'est cette société inclusive qui permet d'abord de pouvoir faire émettre le choix de vie de la personne. Alors tout à l'heure, on a parlé de projet de vie. Sans projet de vie, c'est tout simplement, dites-nous ce dont vous avez envie. Et on se mettra en capacité de pouvoir accompagner ce choix. J'étais pas plus tard que vendredi à Lourdes dans un habitat inclusif où j'ai des personnes, pareil que dans le film, qui ont voulu sortir de leur établissement spécialisé. C'est quoi l'habitat inclusif ? C'est de la colocation à 5-6 personnes qui ont envie de partager un projet de vie, qui n'ont pas envie d'être seules, mais qui ont leur studio et puis une grande pièce à vivre où là sont travaillés le soutien à l'autonomie de plus en plus pour aller peut-être plus tard vers un habitat tout seul, comme vous et moi. Donc là, c'est tout l'intérêt de pouvoir accompagner le choix de vie de la personne, de mettre le bon accompagnement, le juste accompagnement, pour travailler et soutenir l'autonomie et de la demande des personnes. Quand vous avez été 15 ans en institution et que vous êtes adulte et que vous dites « j'en ai marre d'être en institution, je veux vivre ma vie, mais je sais que j'ai des difficultés et qu'il me faut être accompagné », et bien c'est cette alternative qu'on est en train de déployer partout. C'est du cœur de ville, c'est par exemple un grand plateau technique dans une construction neuve qui va être réservé pour créer ces studios et cette pièce à vivre avec justement un service d'accompagnement pour le soutien à l'autonomie. Mmh. Et c'est vivre au milieu des autres parce que c'est en cœur de ville, en cœur de village, en cœur de cité. Ce n'est plus exclu, dans des résidences qui étaient beaucoup trop éloignées. Donc vous n'avez plus de problème de transport. Et puis vous apprenez, vous découvrez aussi la différence quand vous n'êtes pas concerné par le handicap avec des nouveaux voisins. Et c'est un petit peu ça qu'on est en train de travailler. Ça demande justement une transformation architecturale, certes, mais des professionnels qui acceptent de travailler en colocation. C'est ça, hein, c'est vraiment l'habitat inclusif, c'est cette... partage, et l'État est là pour financer les services d'accompagnement complètement et donc soutenir vraiment dans la durée ces choix de vie très différents aujourd'hui. La question du rôle et de la place des institutions au sein de la cité est une question très ancienne qui a été notamment formulée comme telle et comme problématique par le philosophe Michel Foucault qui a travaillé sur cette question de la place à faire à ceux qu'à l'époque nous appelions les fous. Je vous propose qu'on écoute un texte de Foucault qui nous permet de revenir sur ce concept dont on parlait hier d'ailleurs avec le philosophe Bertrand Cantin qu'il s'appelle la liminalité ou l'art d'essayer de trouver sa place alors qu'on essaye sans cesse de nous reléguer aux marges, voire sur le seuil. un objet nouveau vient de faire son apparition dans le paysage imaginaire de la Renaissance. C'est la nef des fous. Étrange bateau ivre qui file le long des calmes fleuves de la Rhénanie et des canaux flamands. Ils ont existé, ces bateaux qui, d'une ville à l'autre, menaient leur cargaison insensée. Les fous, alors, avaient une existence facilement errante. Les villes les chassaient volontiers de leur enceinte. Il arrivait souvent qu'on les confiât à des bateliers. Il ne faut pas réduire la part d'une efficacité pratique incontestable. Confier le fou à des marins, c'est éviter à coup sûr qu'il ne rôde indéfiniment sous les murs de la ville. C'est s'assurer qu'il ira loin, c'est le rendre prisonnier de son propre départ. Cette navigation du fou ne fait, en un sens, que développer la situation liminaire du fou. Situation symbolique est réalisée à la fois par le privilège qui est donné au fou d'être enfermé aux portes de la ville. Son exclusion doit l'enclore. S'il ne peut et ne doit avoir d'autre prison que le seuil lui-même, on le retient sur le lieu du passage. Il est mis à l'intérieur de l'extérieur et inversement. Posture hautement symbolique, qui restera sans doute la sienne jusqu'à nos jours, si on veut bien admettre que ce qui fut jadis forteresse visible de l'ordre est devenu maintenant château de notre conscience. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Si l'on veut bien admettre, a écrit Michel Foucault dans son Histoire de la folie à l'âge classique, que ce qui fut jadis forteresse visible de l'ordre est devenu maintenant château de notre conscience, une bonne manière de dire, alors qu'il décrit une situation qui date de la Renaissance, un moment où ce qu'on appelait les fous, on ne savait pas où les mettre, donc on les mettait dans des bateaux qui n'accostaient quasiment jamais, ils étaient vraiment au seuil de la cité, et bien de dire que finalement, le problème n'est pas encore résolu au moment où Foucault écrit, c'est en 1961, et ce que vous venez de dire, Sophie Cluzel, montre que vous œuvrez sans cesse pour essayer de réintégrer les personnes qui sont jugées comme étant hors normes au sein de la société, mais qu'on n'y est pas encore vraiment. Et non, en fait... C'est effrayant de le dire comme ça. Mais sous, je dirais, le beau principe de protéger l'autre. En fait, nous sommes protégés nous-mêmes de l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'il nous faut absolument ouvrir, faire tomber ces murs. Faire tomber ces murs, permettre aux personnes de circuler. Bien accompagnées. Et donc, c'est tout l'enjeu de savoir comment on transforme, et je pense que la première des choses à transformer, c'est notre école, mais vraiment radicalement, c'est-à-dire ne plus construire aucun établissement médico-social qui ne soit pas dans une école, un collège et un lycée, et ça existe. Si vous allez au lycée La Bourdonnière à Nantes, par exemple, vous avez le plateau technique pour des jeunes lycéens très handicapés, très dépendants dans les gestes de la vie quotidienne, eh bien ils ont toute leur rééducation dans le lycée, et ils circulent. Et donc il y a cette unité de lieu. Donc c'est ça qu'on recherche, cette unité de lieu qui permet, eh bien, par exemple, d'avoir ses rééducations pendant son temps scolaire, de ne plus être saucissonné dans son temps. C'est ainsi qu'on y arrivera. Donc ça veut dire qu'il nous faut complètement changer de paradigme et d'avoir vraiment cette capacité d'accueillir, de scolariser, d'insérer professionnellement, de loger les personnes au milieu de nous avec justement toutes les adaptations nécessaires et possibles. Pourquoi ça prend tant de temps? Pourquoi est-ce qu'on résiste? Parce que vous avez un grand patrimoine déjà, hein, médico-social, avec des établissements, des institutions spécialisées, donc ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. J'étais dans Lyon, pourtant ça existe, hein, avec une association qui s'appelle l'EPNAC, qui a mis en vente son château. Je suis allée dévoiler la pancarte. Château à vendre, tous les enfants handicapés sont à l'école. Cette école a été construite en 4 ans, avec l'ensemble des maires d'une petite commune, hein, 1000 habitants, dans Lyon, à Vincelles, pour ne pas le citer, ce village, parce que ça a été un projet de société. Et le maire a dit, ce sont des citoyens de nos communes avant tout. Ils doivent apprendre au milieu des autres. Et tous les professionnels du médico-social travaillent dans l'école. Ce sont deux cultures différentes, ce sont deux ministères différents. Donc c'est pour ça que ça prend tant de temps. Il en va de notre responsabilité collective de se dire, mais bien sûr, il faut qu'ils soient au milieu des autres en permanence, bien accompagnés. Oui, mais ce qui est difficile, je vous pose la question, pourquoi ça prend autant de temps, c'est pas que politique, ni architectural ou patrimonial, il y a aussi sans doute une gêne, un obstacle intérieur qui nous fait dire, mais pourquoi faudrait-il organiser toute la société en fonction de personnes qui elles-mêmes, numériquement, ne sont pas la majorité, justement? Est-ce qu'il n'y a pas justement un blocage par rapport à ça? Non, mais à ce moment-là, on ne fait plus rien, on n'adapte plus rien du tout, si on pense comme ça. Puisque de toute façon, encore une fois, ce que vous allez adapter pour une personne qui a des besoins éducatifs particuliers, ça va servir à tout le monde. Mmh. Donc c'est une conception universelle de cette mise en accessibilité de la cité qu'il nous faut penser. Encore une fois, ça sera pour le bien commun de tous. Si vous mettez par exemple, en adaptation les transports ou les logements, vous servirez bien sûr les personnes à mobilité réduite, mais les personnes âgées, on va vers une société vieillissante, les familles nombreuses avec poussettes. Donc notre dénominateur commun, c'est ça qui fait notre force collective. Encore une fois, vraiment, quand on travaille pour ceux qui ont les besoins, les plus spécifiques, on travaille pour tous. Donc c'est notre conception en fait de penser, cette accessibilité universelle de conception, mais dans tous les domaines, je ne parle pas qu'architectural. Oui, mais ça voudrait dire, et là je rebondis sur l'extrait d'Éric Zemmour qui a ouvert cette émission, que ce serait tendre vers une société qui, au nom de l'égalité, voudrait une forme à la fois de société à la carte qui s'adapterait aux besoins de chaque personne et qui en même temps lisserait ces différences au nom de l'égalité. Mais non, justement, on ne demande pas aux personnes valides de devenir handicapées. On demande juste à que les personnes handicapées puissent participer le plus possible. Donc ça ne nie rien du tout des différences, au contraire, on s'en enrichit. Donc pas du tout, c'est au contraire faire sa place à tout un chacun, s'enrichir de nos différences et de pouvoir travailler justement parce qu'il y a une vraie force chez les personnes différentes. Et ça, on l'oublie trop souvent. D'ailleurs, c'est le titre de votre livre, La force des différents, changer de regard sur le handicap, publié aux éditions J.C. Lattès. Le terme de différence, on peut l'appliquer à tout le monde, dans la mesure où, justement, elle a aussi ses propres moments politiques, puisque le collectif est fait de singularités. Une singularité ne ressemble pas à une autre. Donc, finalement, la différence, c'est ce qui nous fait tous. Eh bien, oui. Donc, c'est pas le propre du handicap. Non, mais disons-le haut et fort. Oui, mais il y a peu de gens pour dire que nous ne sommes pas tous différents. Ah bah. Vous avez entamé votre émission avec quelqu'un qui dit justement qu'il y a beaucoup trop de différents et qu'il ne faut pas les inclure et qu'il faut les ostraciser et les exclure. Donc il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas ça justement. Et moi, ils pensent qu'il y a de la différence. Simplement, il ne veut pas justement amalgamer ensemble la différence selon lui. Oui, mais comment on fait alors si tout le monde est différent et qu'on ne veut pas amalgamer la différence? Non, ce que je veux dire, c'est que le terme de différence dépasse largement la question du handicap. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. On est tous différents, à part que les personnes handicapées ont des singularités qui nous demande peut-être plus d'adaptation que certaines autres différences. Donc si on la prend en compte dès le départ, on pourra faire en sorte de faire diminuer ces obstacles. Encore une fois, il y a des situations de handicap qui peuvent disparaître justement parce que vous mettez les adaptations. Donc la différence, la force du différent, elle est intacte, mais elle permet de s'exprimer complètement. Et on peut mêler par exemple performance sociale et performance économique ainsi dans une entreprise. Et on peut faire du coup s'enrichir de cette différence et en faire une force dans notre société. Voire performance sportive. Exactement. Parce que l'Allemande a la capacité de venir gêner Marie-Amélie, c'est pas impossible. L'Allemande qui donne tout ce qu'elle a, mais Marie-Amélie résiste. Malia, elle est en train de se grappiller centimètre par centimètre, mais ça ne suffira pas. Elle va terminer, Marie-Amélie. Elle termine en 50-28. C'est un nouveau record du monde, surtout. Bronze pour Marie-Amélie Le Fur, c'est sa troisième médaille. Je suis heureuse, satisfaite, heureuse de mes résultats personnels, heureuse de ce que je vis avec l'équipe de France. On est là pour faire du sport, de la performance, le handicap c'est quelque chose de secondaire. On est des athlètes à part entière, on s'est entraînés pour aller gagner des médailles et je pense que c'est ce qu'il faut retenir sur ces Jeux. C'était la voix de Marie-Amélie Le Fur, la championne des Jeux paralympiques en 2016. Voilà, au-delà des spécificités du handicap, finalement, ce que dit cette athlète, c'est que c'est d'abord le sport, ses valeurs et la performance qui l'intéressent. En clair, Sophie Cluzel, est-ce que c'est pas aussi une manière de dire que, certes, il y a des Jeux paralympiques qui font participer les personnes handicapées, mais au fond, ça attire l'attention sur le handicap, alors que tout ce que ces athlètes voudraient, c'est juste qu'on parle de sport et pas du handicap. Mais on peut parler des athlètes et du paralympisme par le sport, mais ils ne nient pas leurs différences non plus. Marie-Amélie, elle est amputée, elle a une lame. Si elle n'a pas sa lame, elle ne pourra pas participer. Donc sa situation de handicap, elle a été compensée dans son sport par une prothèse. Donc voilà, c'est ça. Et comment du coup, après on regarde Marie-Amélie Le Fur, avec qui j'ai échangé dans mon livre longuement, comment je me réapproprie mon propre corps et que du coup, je donne du possible aussi à toutes les personnes qui ont vécu la même chose. Ce sont aussi des rôles modèles. Donc c'est une façon de parler du handicap, mais c'est surtout une façon de parler de la reconstruction possible des personnes. C'est une façon de parler, de dire, eh bien, j'aurai ma place et je deviendrai une championne. Alors, tout le monde ne devient pas une championne paralympique, hein. Non. Mais Marie-Émilie Le Fur, elle est extraordinaire parce qu'elle s'est tellement bien parlé, justement, de cette reconstruction, de cette résilience. Et bien sûr, que c'est une passion très différente de voir. Et quand vous regardez des séquences paralympiques, vous voyez avant tout les athlètes. Elle a tout à fait raison. Oui, on voit des athlètes, mais on se dit, justement, il y a quand même des Jeux paralympiques, c'est pas le même nom que les Jeux olympiques. Non. Ben, donc on les voit dans un endroit spécial. Oui, mais parce que c'est une équipe unifiée, ce qui est nouveau pour nos Jeux paralympiques et olympiques de 2024. Nous avons une équipe de France unifiée. On part de très loin, hein, les paralympiques, ils sont arrivés après les olympiques. Parce que de toute façon, Marie-Amélie Le Fur, elle pouvait pas courir avec un athlète valide. C'était impossible. Elle fait pas la même performance. Elle fait sa performance à elle, qui est différente de la performance d'un athlète. Mais c'est une athlète avant tout. Mais avec sa compensation, et c'est bien ça tout l'enjeu de dire. Ouais. Avec la compensation, on peut arriver à faire des choses extraordinaires, parce que là, elle fait des choses extraordinaires que vous comme moi, nous serions incapables alors qu'on a nos deux jambes. Et parce que, voilà, c'est une athlète avec son entraînement et avec son envie de gagner. Mais au fond, c'est toute la question de l'essentialisme. C'est comment à la fois prendre en compte le handicap sans réduire la personne à son handicap. Eh bien oui, c'est tout l'enjeu. C'est bien pour ça qu'on a fait notre grande campagne de communication. Voyez la personne avant le handicap. Mmh. Et on a joué justement sur le fait que on s'arrête pas au fauteuil roulant, mais on va aller voir ce qui nous ressemble. Et on a eu 3 spots télévisés qui étaient faits par Yvan Attal pour aller chercher la personnalité et ne plus s'arrêter justement aux préjugés, aux filtres que la situation de handicap ou que le handicap visible peut nous freiner. Oui, et c'est encore une manière en même temps de mettre l'étiquette handicap sur ces personnes. Eh bien non, justement. Bah, voyez la personne avant le handicap. Oui, mais on voit le handicap. Mais on le voit, mais finalement on le voit plus. Dans les clips, on le voit plus parce que... Vous, quand vous n'êtes pas concerné, vous allez être arrêté par la vision du fauteuil ou quoi. Vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien non, le message c'est, eh bien moi je le vois plus ce fauteuil. Je vais aller chercher ma personnalité. Je vois plus cette personne qui n'a pas la même communication que moi parce qu'elle a les mêmes envies, les mêmes aspirations. Mais ça veut dire que tout simplement, il faut qu'on banalise la présence des personnes handicapées. 0,6% de représentation dans les médias à la télévision. 0,6%, ça c'est calculé par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Pas de handicap visible. De handicap visible. Ben oui, mais le handicap visible, il y en a beaucoup plus que 0,6%. Donc comment on fait pour améliorer ça? Eh bien, ce que je suis en train de travailler pour les médias, c'est le guide des experts en situation de handicap. De la même façon qu'on a fait le guide des expertes pour améliorer la présence des femmes à l'écran, hein, en tant que reporter, en tant que journaliste, etc., nous sommes en train de travailler sur un guide des experts en situation de handicap. Quand vous avez un plateau télé pour parler ingénieur, architecte, professeur, artiste ou quoi, voilà, nous travaillons sur le guide des experts en situation de handicap. Donc c'est quoi? C'est des quotas? C'est l'instauration de quotas? Bah, c'est pas des quotas, pas du tout. C'est du sourcing, si je puis dire, pour aller chercher des personnalités qui sont en situation de handicap et qui vont pouvoir parler de leur profession. Mais qu'on améliore le fait, la représentativité des personnes en situation de handicap. Handicap dans les médias. C'est ça, et qui souhaiteraient sans doute parler de autre chose que de leur surtout, handicap. Surtout parler d'autre chose. Ça, c'est le plus difficile. Justement, Alexandre Jolien, que j'ai déjà reçu à ce micro, lorsqu'on l'a invité justement à participer à cette série d'émissions, a dit oui, mais j'étais venu en tant que philosophe. Aujourd'hui, parler en tant qu'handicapé, c'est me réduire finalement à être le handicapé. C'est bien pour ça que dans mes échanges avec Alexandre, justement, dans mes dialogues avec Alexandre, dans le livre La force des différents, on parle de tout sauf de handicap. On parle justement de cette capacité de pouvoir avoir une vie intime, affective. On parle de sujets qui touchent tout le monde et qui sont encore très tabous pour les personnes handicapées, mais sous l'angle justement de comment on participe à une vie la plus normale possible. Devant les objectifs, portés par les applaudissements, ces hommes et femmes amputés mannequins pour un soir. On peut être belle et avec un membre enlevé. On peut être belle malgré des événements terribles. Une fois que vous avez l'estime de vous, vous pouvez dépasser des montagnes. Le but, c'est de changer le regard sur le handicap et redonner la confiance aux mannequins. Béatrice défile pour la 2e fois. Sa première représentation lui a changé la vie. Depuis, je m'habille en robe ou en jupe au quotidien, alors qu'avant, je ne le faisais pas. J'ai appliqué à moi ce principe de féminité. En présence de Brigitte Macron, le défilé s'est organisé à l'hôtel des Invalides pour le 350e anniversaire du bâtiment. Les robes et costumes sont issus de la collection du styliste Fabien Porliot et mettent en avant leur handicap pour s'ouvrir à la différence. Oui, sans doute la politique peut changer notre regard sur le handicap, mais la mode aussi, hein, puisque ici c'est l'exemple de la Fashion Week, de défilé de mode avec des mannequins amputés. C'était le 30 septembre 2021, Sophie Cluzel. Oui, j'y étais. J'ai pu échanger justement avec ces mannequins qui ont osé défiler, hein, pour certains pour la première fois. Ça en dit long hein, sur notre acceptation de la différence. Quand vous dites, pour la première fois, j'ai osé défiler et maintenant je me remets des robes ou pour voir mon corps comme il est, ça prouve bien qu'on n'est encore pas préparé. Avoir des amputations, avoir des moignons, avoir des altérations du corps, parce qu'on est en permanence dans cette normalité et dans cette, sublimation de la normalité, si je puis dire ainsi, à travers. Alors ça commence à changer. Hein. Il y a des grandes enseignes qui font des campagnes de publicité avec des personnes trisomiques, avec des personnes sourdes en fauteuil. Donc on voit bien que ça commence à changer. On a des très beaux, on a Théo Curin hein, qui est repris, et Géry, qui est lui-même quadri-amputé. Donc nageur. Oui, quadri-amputé, qui représente une marque de beauté. Enfin voilà, je trouve qu'on commence à voir cette diversité qui apparaît et qui contribue justement à faire monter le degré d'acceptation de la différence dans notre société. Et ça, c'est pour le handicap visible, parce qu'il faut quand même, depuis le début de l'émission, on parle de handicap, on a pris des exemples très différents, mais peut-on ranger dans la même catégorie le handicap visible et le handicap invisible? C'est pas du tout la même chose. Non, le handicap psychique, l'autisme, tous ces handicaps qui sont invisibles, les troubles des fonctions cognitives, les 10++, là, il faut aussi qu'on arrive à libérer la parole. Pourquoi? Parce que en France, on a une politique d'emploi avec un quota. Vous parliez de quota tout à l'heure, 6%. Et moi, les employeurs me disent « je trouve pas des compétences », et les personnes handicapées disent « moi, j'ose pas parler de mon handicap ». Donc aussi, mon enjeu, il est comment je libère la parole et comment j'apprends aux personnes à parler de leur situation de handicap et comment je me garantis que justement l'entreprise va en faire, je dirais, un levier. Hein, c'est tout embarquer toutes les entreprises dans le manifeste pour une entreprise inclusive. C'est faire le DUOD. Le DUOD est un vrai levier justement de changement de regard. Alors le DUOD, c'est quoi? C'est une journée par an où une personne handicapée bosse avec une personne non handicapée, si je puis dire, dans tous les domaines, pour libérer la parole, pour ouvrir la porte des entreprises et permettre de l'emploi derrière. 17% des duos ont débouché sur l'insertion professionnelle et là, c'est tout type de handicap. Donc, c'est très important de libérer cette parole. Également. Mais les entreprises aujourd'hui doivent embaucher des personnes handicapées. Oui, 6%. Mais souvent, on préfère payer l'amende. Non, il y en a de moins en moins qui préfèrent payer l'amende. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont démunies pour aller trouver le fameux sourcing. Et puis, pour aussi faire en sorte que les personnes se déclarent plus facilement pour pouvoir avoir cette adéquation. Si on a un quota, il faut pouvoir en parler. Mm-hmm. Donc, comment je fais que ça ne soit plus un tabou, mais plutôt un bonus au contraire? On va se quitter comme chaque jour avec une chanson que vous nous avez suggérée, Sophie Cluzel, car il s'agit de la chanteuse Oshi. Ah, pourquoi elle? J'ai eu la chance de la découvrir sur un plateau télé où justement je parlais de mon livre La force des différents, et elle a fait une chanson extraordinaire parce qu'elle est elle-même atteinte d'une maladie où petit à petit elle va perdre l'audition, alors qu'elle est chanteuse, c'est très important pour elle. Puis elle a osé en parler, elle a fait une chanson remarquable avec une force et une intensité extrêmement bouleversante. On va aller écouter. Merci beaucoup d'être venue ce matin. Merci. Sophie Cluzel, votre livre s'appelle La force des différents, changer de regard sur le handicap. Il est disponible aux éditions J.C. Lattès. Voici donc Oshi, fais-moi signe. Sur un malentendu, j'ai fait la sourde oreille. Peur du silence imprévu, de dépendre d'un appareil. A comme un vide absolu, qui n'a de pareil que le vide absolu. Sur un fil tendu, j'ai marché pour pas me perdre. Prise au dépourvu, chaque concert est un combat avec moi-même. Chaque concert est un combat avec moi-même. Comme une arène, fais-moi signe si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière audition. Fais-moi signe si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe. Offre-moi mes derniers frissons, fais-moi signe. Deviens ma dernière chanson, fais-moi signe. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Je vous jure, je suis tout oui. Non, même je vous assure que chacun de vos cris, à chaque fois je les capture. Jamais je n'oublie, par peur qu'ils deviennent des murmures. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps d'accueillir Frédéric Worms et sa chronique philosophique quotidienne, Le pourquoi du comment. Comment la politique peut-elle contenir l'urgence ? Il est évident, d'une certaine manière, que la politique, l'invention, l'institution de société pour des groupes d'humains, de sociétés qui se gèrent collectivement, qui définissent des règles communes, que la politique a pour but, en un sens, de répondre à des urgences vitales. La politique a pour but d'éviter, par des moyens collectifs, la disparition individuelle et aussi donc la disparition du collectif lui-même qui nous permet d'éviter la mort. Et il faut éviter la misère économique, il faut éviter la catastrophe naturelle, il faut éviter la guerre interhumaine, la guerre intersociale ou interétatique, qui sont des menaces vitales absolues contre lesquelles des moyens collectifs sont évidemment nécessaires. La politique a donc pour but de lutter contre des dangers, exactement comme la médecine, contre des dangers individuels. La politique a pour but de lutter contre les urgences. Mais d'une certaine façon, on le voit aujourd'hui dans les sociétés qui ont établi des règles pour lutter contre les urgences. L'urgence vient aussi toujours secouer la politique, nous ramener à une fonction primaire de la politique pour laquelle on est prêt à tout sacrifier, comme lorsqu'il y a un incendie, nous sacrifions nos règles morales que pourtant nous avions édictées pour ne pas nous entretuer en cas d'urgence. Nous retrouvons un risque de nous entretuer pour échapper à la mort quand nous cédons au chacun pour soi. Et la politique menacée par l'urgence crée l'état d'urgence qui risque lui-même de devenir une règle et qui vient menacer sa propre règle qui pourtant a été construite pour éviter des urgences. Comment sortir de ce cercle ? Comment la politique peut-elle contenir l'urgence ? Non seulement au sens de l'inclure, mais aussi au sens de la repousser, comme lorsqu'on dit qu'on contient un ennemi dans cet étrange double sens du verbe « contenir » qui désigne à la fois le fait d'avoir un danger à l'intérieur, mais en même temps aussi de savoir le circonscrire et le repousser, de savoir s'y opposer. Eh bien, il est très clair que la clé de cet endiguement, de cette résistance à l'urgence, sans le déni pour autant de l'urgence, c'est d'admettre qu'une société a plusieurs urgences à affronter conjointement. Il y a, comme on l'a dit, l'urgence vitale immédiate, par exemple la pandémie ou le climat, par exemple une catastrophe naturelle, un tsunami ou même technique comme une catastrophe nucléaire. Et puis il y a aussi la guerre entre les humains. Et finalement, une société politique a pour but non seulement d'éviter les urgences, mais d'établir les priorités des urgences, de telle sorte que l'urgence des urgences, l'urgence absolue, c'est d'établir des règles pour discuter des urgences. L'urgence des urgences, c'est la démocratie, parce qu'il faut discuter des urgences, que nous ne serons pas tous d'accord et qu'en cas d'urgence, il faut avoir prévu ce désaccord. Il y a donc non pas une contradiction entre l'urgence et la politique, comme certains le croient, qui pensent que les règles vont s'écrouler dès qu'il y a la moindre urgence. Pas du tout, mais au contraire, il doit y avoir une nécessaire conciliation entre l'urgence et la politique et même la démocratie. C'est l'urgence qui nous pousse à la démocratie par anticipation, par délibération, par discussion. Et quoi de plus urgent ? Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique « Le pourquoi du comment » est à réécouter en ligne et à télécharger, à podcaster. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Carla Michel avec Manon Delasselle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Olivier Arnet, à la lecture des textes, Bernard Gabet. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série autour du handicap. Demain, nous serons en compagnie du professeur Laurent Lantieri, l'auteur à qui l'on doit en tout cas la première greffe du visage en France. La chirurgie doit-elle réparer les corps ? C'est la question que je lui poserai. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, mais aussi en la téléchargeant, la podcastant via différentes plateformes. Rendez-vous sur les réseaux sociaux également, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 11h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.